Je vois pas des jeunes. Pas ça qu'une petite fille comme ça soit tiens. Comment est-ce que tu vas être chum? Il y a du beau monde. Moi, déjà, lui et tout. Tiens, comment est-ce qu'une petite monde. Moi, je peux pas comprendre ça qu'une femme qui est belle, qui est jolie, qui est intelligente, qu'elle soit tiens. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Puis, il y a qu'une réponse à ça. C'est qu'elle, en dedans, est bloquée. Faut qu'elle se débloque. Mais elle a peur d'être en amour. Parce qu'elle dit, les garçons, aujourd'hui, c'est pas un cadeau. Ça, elle a raison. Ah, elle a raison. Ça a bien raison, c'est ça, je peux l'aider. Quand je peux l'aider, il faut faire ma gueule. Ah oui, c'est un séminaire. Moi, mais c'est bien, tu sais. T'es jamais bien, tu sais. Pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es bien tout seul. Quand t'es bien tout seul, c'est parce que tu. Quand t'es bien tout seul, c'est parce que t'es capable d'être tout seul. Ah. Si t'es pas capable. Mais bien nuancé, celle-là. T'es pas capable d'être seul, c'est comme problème. Quand t'es bien tout seul, c'est parce que t'es capable d'être tout seul. Ça, c'est la première réponse à cette affaire. Ça, il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas un être qui veut être seul dans la vie. Parce que tous les êtres veulent communiquer avec un autre être. Mais souvent, t'es mieux être seul qu'être pogné avec des poireaux. Ou tu peux avoir d'autres raisons. Il peut y avoir d'autres raisons pourquoi est-ce que t'es tout seul. Toute ton affaire est bien étrange. C'est parce que je veux le raconter. On devrait me présenter quelqu'un en fin de semaine. On me présente vendredi après-midi. Il disparaît la fin de semaine. J'ai un groupe d'amis de l'année. Ils me l'ont enlevé complètement. Je suis donc allé que ce soit comme ça. Je te dis. Et ceux qui me l'avaient présenté étaient insultés. Et moi, je riais. Je savais que ce qui s'était passé. Je suis dit. Arrêtez-vous, il fallait que ce soit fait comme ça, mais ils ne comprenaient pas. C'est comme ça. C'est drôle, hein? Oh, il dit, il m'appelle, hey, je veux te revoir, je suis quoi? C'est un peu trop loin, tu te fais jouer des trous. Mais c'est bon que tu sois comme ça. Ben oui. Parce que ça te permet au moins d'avoir la chance de rencontrer un partenaire. Du moment que tu as la chance, mais il y a une chose qui a été bonne, qui ça m'a permis en fin de semaine. Je conduisais un vieux monsieur de 88 ans qui allait voir son frère de 92 ans. Oh mon Dieu! Il parle de même occasion, c'est ça, mais là, ça m'a permis de voir, même à 92 ans, à quel point la sensualité existait encore chez l'homme. Peut-être de 92 ans, c'était pas des fois, ça? Ben oui, j'avais jamais vu ça, j'avais à un moment donné, il me touchait, j'ai dit, père, je suis ici, mais touche pas. Tu l'as connaissé pas bonhomme, pourquoi tu l'as connaissé? Non, non, non, parce que je connaissais cet âge. Il me dit quelque chose de bien intéressant. Il dit qu'il y a des gens dans la vie qui sont empêchés de rencontrer d'autres personnes pour des souffrances personnelles. Parce que ça fait tout ce travail. Mais il dit qu'idéalement, un être Il dit qu'un être qui se conscientise éventuellement doit rencontrer un partenaire. À quelque âge qu'il soit. Parce qu'il dit qu'une fois qu'un être se conscientise, à ce moment-là, il ne vit plus son expérience au niveau de l'ego. Il vit son expérience au niveau de l'esprit. Puis au niveau de l'esprit, quels que soient les âges, il y a toujours un rapport. Il dit, tous les êtres ont la chance dans la vie de rencontrer quelqu'un, surtout s'ils se conscientisent, et encore plus grande la chance. Parce que ça fait partie des lois d'énergie que ça descend de même, ça se communique d'un à l'autre, puis ça remonte. Le triangle. Ça fait partie des lois d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que la famille, c'est si important sur notre planète. C'est la famille que les Russes ont essayé de détruire. Très fort, l'affaire. Le couple. Mais le couple n'est pas vécu consciemment aujourd'hui. Puis il y a des gens, à cause de leur inconscience, puis à cause de leur clan de vie, qui fait partie de leur souffrance, sont obligés de vivre souvent des vies seules. Mais il dit qu'un homme qui se conscientise, puis une femme qui se conscientise, quelque part dans le temps, doivent naturellement rencontrer quelqu'un qui est sans même longueur d'onde. Fait qu'à ce moment-là, l'union dans le couple est plus légiférée par des conditions matérielles ou des conditions de sensualité. C'est légiféré par l'esprit. À ce moment-là, c'est un petit peu d'extra. Mais... Je me rappelle plus la suite. Je ne sais pas trop, on parlait de. Il fallait pas le dire qu'on était né pour un petit pain. Puis vous avez dit, le gars ne comprend pas ça, là, il a juste à s'ouvrir une boulangerie. C'est tout ce que je me rappelle. Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas le dire. Je suis pas né pour un petit pain. On va se bien, je suis né pour un petit pain. Je me rappelle plus la suite. Je me rappelle tout de suite. Quand je dis qu'on n'est pas né pour un petit pain, je veux dire que l'homme a en lui des grandes possibilités. Des grandes possibilités. Tous les hommes ont des grandes possibilités. Seulement, il faut qu'il débloque. Quand tu débloques, là, tu vis tes possibilités à la nature de tes propres, à la hauteur de tes vibrations. Autrement dit, si tu es né pour un petit pain, si tu penses que tu es né pour un petit pain, tu vas toujours faire vivre une petite vie. Si tu dépasses ça, cette illusion-là, à ce moment-là, tu vas vivre une vie à la hauteur de ta capacité et de ton désir personnel. Mais vous, je comprends pas, là. C'est que si, comme tu disais, des fois, tout est su. Tu sais, des fois, tu disais, je sais pas, mettons, plan de vie, ou tout est su, là. C'est pas parce que tout est su que vous avez pas la possibilité. Quand je dis que tout est su, c'est évidemment que tout est su. Si vous êtes né pour un petit pain, vous n'avez pas de capacité de sortir de votre petit pain, c'est su que vous allez rester dans votre petit pain. Mais si vous êtes né pour un petit, si vous êtes pas né pour un petit pain, vous avez la capacité de débloquer un jour, puis réellement faire ce que vous voulez, c'est su, ça aussi. Les gens pensent que parce qu'on dit que tout est vu, que ça te force à vivre ton petit pain. Non. Tout est vu, c'est évident que tout est su. Mais que tu trouves une boulangerie, c'est su aussi. Ouais, tu sais. C'est ça. Tu veux dire qu'on peut faire l'effort pour devenir un gros pain. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Faut pas se limiter. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie parce que ce que tu veux, ça fait partie de ce que tu dois faire. Non. Si tu gardes de le faire. C'est là. Des bonbons, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux dans ça. Mais les gens ne réalisent pas ça. D'abord, les gens t'imaginent. Parce que la vie, c'est comme un système de. C'est un pressure cooker. Tu sais, ça t'écrase, puis ça t'écrase, puis ça t'écrase, puis ça t'écrase. Éventuellement, tu deviens tellement écrasé que tu peux pas t'imaginer que tu peux t'en sortir. Puis pourtant, tu peux. Mais pour le pouvoir, tu es obligé de transmuter l'énergie de ton ego. De détruire les formes qui t'ont rendu de même pour faire exploser la patate. Faut qu'il explose, l'ego. Faut qu'il devienne de l'esprit, l'ego. À ce moment-là, the sky is the limit. Il n'y a plus de limite. Pas de limite. C'est ça que je devrais dire, c'est nice. Apprenons à savoir ce que vous voulez faire dans la vie, les jeunes. À un certain moment, ça va vous rentrer dans la tête ce que vous voulez faire dans la vie. Puis après ça, ça peut prendre d'autres temps encore. Parce que c'est pas parce que tu veux faire telle chose dans la vie que tu vas le faire la semaine prochaine. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, mais tu vas venir à un point où tu vas faire dans la vie ce que tu veux faire. Puis ça, c'est tout lié à la volonté. Mais pour te servir de la volonté, il faut que tu t'utilises des pommes qui t'empêchent de te servir de ta volonté. On est créé riche, mais on devient pauvre. On est créé riche. Parce qu'on ne sait pas se servir de cette chose. Surtout d'un pays complexe comme ça. D'un pays où, la structure économique est si variée qu'en Amérique. Il n'y a pas de raison que l'homme ne fonctionne pas. Il s'agit peut-être de la créativité. Tu la mets sur le marché, ta créativité, tu fonctionnes. Un grand laisse faire, ça va venir. Attends. Je suis bien pareil. Attends, ça va. Non, mais si, bref, pareil. J'ai eu exposé pendant une passée. J'ai fait un échange culturel, c'était tout. C'est beau. C'est beau, ben. Ça ne m'empêchera pas de peindre ça. Il n'arrêtera pas partout. Il dit qu'on a, nous autres, de l'intelligence, mais on s'en sert pas. Parce qu'elle est bloquée par les pommes. On est très riches. Très riches. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je dis depuis 10 ans, ça vient pas de l'université. L'université m'a aucunement servi, moi, excepté chez du vocabulaire. Lire. Tout ce qu'il dit à l'université, vous dites que je change. Ça vient tout. On est bourré de ça. On s'en sert pas. Il y en a qui ont des rêves. Souvent, le rêve se transmet parce que le rêve est toujours adapté à l'échelle de notre psychologie. Dans 2 ans, ça rêve encore, mais c'est adapté. C'est comme un petit gars qui, quand il rêve, il est un pompier. Puis l'autre avant, il voulait être une police. Ça change. Dans 21 ans, il veut être un biologiste. Puis éventuellement, ça l'amène, parce qu'ils sont obligés de nous donner une forme pour nous faire avancer. Prends un certain âge, c'est d'autres choses. Puis là, tu le sais, puis là, t'es bien. C'est des marches. Mais rendu à un certain âge, quand t'es rendu à 30-35 ans, il faut que t'arrêtes les marches, nous montes les marches. Parce que là, il faut que tu saches ce que tu veux faire dans la vie. Ce que tu veux faire dans la vie, souvent, c'est totalement à l'opposé de ce que tu fais présentement. Totalement à l'opposé. Mais si tu ne nourris pas ça, tu le feras avant. Vous n'avez pas de la pensée positive à ce moment-là? Une pensée positive, c'est quoi ça? Dire, nourrir, hein? Tu nourris. Il est empoué, tu nourris. Tu le regardes. Il faut aller chercher dans notre esprit ce qui est dans notre esprit pour le descendre dans la matière. Mais souvent, on doute de notre capacité. On ne veut pas la possibilité. On veut pas. Parce qu'on n'a pas la possibilité. Fait qu'on tue la forme. Ouais, tu vois. Mais plus on devient conscient, plus on a le pouvoir de la nourrir, cette forme-là, parce que plus elle descend dans du mental, des plans supérieurs, dans notre mental du supérieur. Fait que là, on le sait. Puis si on parle avec eux, ils peuvent dire que c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Je ne sais pas. Mais vivre pour un petit pain. Mais on a toujours le petit pain qu'on mérite. Il dit qu'on a toujours le petit pain qu'on mérite. Ce qui est un gros pain pour vous, ça peut être un petit pain pour une autre personne parce que tout est relatif. Tu peux pas demander à une femme de 70 ans ou un homme de 70 ans de partir pour monter des affaires. Mais tu peux demander à un jeune de partir et monter des affaires. Tandis que là, celui qui a 70 ans, peut-être sa grosse affaire, lui, c'est de pouvoir, je sais pas, moi, tricoter. Faire de l'exercice physique, puis tricoter. Puis il n'a jamais pensé qu'il était capable. Ou il était gêné devant sa femme. D'un coup, un jour, hop, il tricote, il est content. Lui, c'est son gros pain. Le gros pain change pour chaque personne. Le gros pain, c'est tout ce qui va dans un rue, vous. Ça peut être un petit pain pour une autre personne, mais pour vous, c'est un gros pain. Moi, j'en ai des pains à blanche. Ah. Mmh. Parce qu'Ali, c'est bien intéressant. c'est que plus on devient conscient, plus on devient créatif. Plus on devient créatif, plus on a quelque chose à faire. Plus on a quelque chose à faire, quand c'est fait, il y a toujours d'autres choses à faire. Puis moi, je le vis, ça, dans ma vie. Il te manque toujours le temps. Non, il te manque pas de temps. Mais tu as toujours le temps. Il y a toujours. Moi, je sais ce que je vais faire dans 3 ans, je sais ce que je vais faire dans 7 ans. Je sais. Je peux pas le faire aujourd'hui, mais je vais le faire. Je vais le faire. Mais j'attends dans le temps. Je travaille tout dans le temps. Le gars qui travaille à la maison avec moi, il vient founette parce qu'il veut faut que peinture la toiture. Puis je dis, pas avant 6 mois. Il doit attendre 6 mois. Lui, il voudrait faire tout de suite. 6 mois! Les autres, ils savent c'est mieux. Pourquoi c'est mieux dans 6 mois. Lui, il voudrait faire tout de suite. On va contre le temps. Notre égo. Ça, c'est intéressant. Il dit que notre égo, c'est pas attendre. C'est pour ça que notre égo, c'est pour ça que notre égo, c'est pas si grand. Il dit que tu peux faire bien les affaires, mais c'est pas ça que tu es supposé de faire. Fait que tu fais bien les affaires parce que les circonstances sont là, ça te le permet. Mais si tu pouvais attendre, tu feras d'autres choses. Beaucoup plus grand, beaucoup pour toi. Mais tu sais pas attendre. Fait que tu fais toutes les autres affaires là maintenant. Bon. Moi, je vais aller avec Yves au magasin, puis Yves, il dit, on a besoin d'une hache. On va au magasin, puis on regarde la hache. Puis on a l'argent pour acheter la hache. Eux autres, ils me disent, pas le temps. T'achètes pas. Je dis à Yves, il faut que tu apprennes à travailler avec le temps. Tu peux pas acheter une hache aujourd'hui, c'est pas le temps. C'est subtil. Mais quand eux autres disent c'est dans 17 jours que tu achètes la hache, elle l'achète dans 17 jours. Pas de suite, c'est pas le temps. Ah, c'est subtil l'affaire du temps. Très bien, vous n'êtes pas rendu à travailler avec le temps. Quand vous êtes avec le temps. Ça, des fois, que certaines journées, on va se lever avec comme une poussée d'énergie ou un élan, disons, qu'on a le goût de faire une affaire, on se lance dedans, puis on le fait dans l'espace d'une heure, puis c'est fini. Des fois, c'est des affaires qu'on voulait faire depuis. C'est le temps! C'est le temps. Quand c'est le temps, c'est vite, vite. Quand c'est pas le temps, c'est pas vite. Ou c'est avant le temps. Tu tombes. C'est parce que t'as quelque chose qui donne une poussée. Oui, une vibration. Faut que t'aies une certaine vibration pour peinturer un mur. Ouais. Comme du monde. Mm-hmm. Sans ça, tu vas le faire à l'intérieur de la forme. C'est toutes des lois de temps. Ma femme, durant l'initiation, elle avait des trous dans les bas. Je disais, elle a besoin de... J'ai pas de me faire. C'est pas le temps. Voilà, Chitoun. Regarde dans les bas. Regarde-les. Au moins, tu vas savoir la première fois quoi. C'est pas le temps. J'ai fait attendre jusqu'à un mois pour acheter une paire de bois. Puis quand elle arrive à comprendre comment ce que c'est de travailler avec le temps. Fait que moi, aujourd'hui, si je vais chez Ethan, parce qu'ils disent que j'ai besoin d'un habit, j'ai hâte d'en avoir une, ça fait 6 mois, je pense, que je suis pas tout le même linge. Il va rentrer un habit chez Ethan qui va être l'habit pour moi. Au lieu de m'habiller toute croche, mon baby, l'habit pour moi. Travailler avec le temps. Puis ça, c'est la dernière étape de la conscientisation de l'homme. C'est dans la patience. Tu ne fais pas interférence avec les lois cosmiques quand tu travailles avec le temps. Ça, c'est la dernière. Ça, vous allez travailler avec ça quand vous êtes bien, bien conscient. Puis les autres, ils vont vous accrocher. Là. Ils vont vous dire, c'est pas le temps. Pas le temps. C'est bien fatigant de travailler avec le temps. C'est le manque de patience qu'on a. On n'a pas la patience. Attends, on ne connaît pas ça. On fait interférence avec les lois. C'est ça. Moi, j'ai acheté derrière moi ma propriété, puis si j'avais pas été dans le temps, je l'aurais pas eu la propriété. Ça fait 10 ans que je l'attendais à la propriété. J'ai rappé. Pour que je se rende compte de la propriété, il faudrait que je se rende compte de la femme qui m'a vendu, la bonne agent du meuble, qui connaissait la propriété, elle n'était même pas à vendre la propriété. Là, elle m'a monté 2 propriétés, j'ai dit non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. J'ai dit non, non. Là, elle dit, ah, j'ai une idée. Il y avait une autre bord de chez eux, l'autre bord du lac. Elle m'a amené là. C'est là que ça a été fait. Ça s'est fait. Le courtier en immeuble, il croyait même pas. C'était le temps. Celui qui m'a vendu la propriété, il me l'a vendu à cause de ma gueule. Il dit, Il dit qu'il n'a jamais vendu la propriété. Puis en posant ça, c'était millionnaire. Mais, ma gueule. Puis là, on est chum ensemble, on va voir ensemble. Là, c'est mon ami. C'est pas qu'un gars qui me vend une propriété. Sa propriété, il y avait bien du terrain. J'aurais bien pu tout prendre de terrain, moi. Quand t'as une propriété, tu payes tant que tu prends tout le terrain. Les autres en haut, ils me disent, donne-tu la moitié du terrain? Fait que sur le contrat, j'ai dit à son avocat, j'ai dit, moi, je prends une moitié, là, lui, je donne l'autre moitié. Il est venu tout croche, là. Ça se fait pas! ça se fait pas! Ah, c'est ce que tu as. Dans le temps. Puis la propriété est exactement ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Oui, j'ai acheté une propriété, elle se me rend, mais tout est dans un autre, j'en trouve un autre qui fait plus ma vibration. On ne sait pas travailler avec le temps. On est pressé constamment, les égaux. Pressé puis pressé. C'est dans ça. Moi, j'ai acheté une Mercedes. Tu le sais, la belle, tu l'as vu, hein? Je ne l'ai pas payé cher. C'est une vieille. Et tout. Dans le temps. Comme neuf. Et comme neuf. Le temps. Puis les autres le connaissent, le temps. Mais nous autres, non, on est pressé. C'est un des plus grands secrets de la conscience de travailler avec le temps. Ils sont dans le temps, nous autres. Ils sont en dehors du temps. Nous autres, on est dans le temps. Mais pourquoi tu ne fais pas attendre si on est en dehors? Parce qu'eux autres sont en dehors du temps. Nous autres, on est pognés dans notre temps psychologique. C'est ça qu'on souffre. C'est ça. Ouais. Éventuellement, ils détruisent le temps. Peut-être à ce moment-là, t'attends. Moi, attendre 10 ans, m'acheter une pellicule, ça ne me change rien. C'est ça qui nous fait. Les mecs, j'achète des pilotes, ça va être parfait. C'est ça qui nous fait souffrir, nous autres, là-dedans. C'est qu'on veut dépasser les mêmes. Vous allez en souffrir. D'ailleurs, c'est la première chose que je vous ai dit au début, l'impatience. L'impatience intéressante. Mais là, on comprend vraiment. Ouais, ça, vous en comprenez vraiment. Ben, c'est ça, exactement. Le temps. Oui, l'entourage, on continue vraiment. L'entourage. Je veux dire, des fois, ils vont pousser au bout avant que quelque chose arrive. Ils vont pousser à la dernière limite. Oui. On ne travaille pas avec le temps. Ça, c'est un des grands secrets. De la puissance de l'homme, travailler avec le temps. Ouais, mais il faut être guidé pour ça. Vous pouvez avoir une limite, c'est bon. Oui, mais c'est ça. Quand on est conscient, on est guidé automatiquement. Oui, c'est ça. Arrête d'être conscient, le gars, travail, il fait n'importe quoi. Comment tu parles? C'est ça. C'est ça. Le temps. Je pensais à mon mari. Il voulait aller par la fusion. Il dit il manquait une tournevis. Ça va pour acheter une tournevis, il vient acheter une télévision en couleur. Ensuite, il dit alors, chemin, moi, c'est pas bien le fun. Viens, on va visiter une maison. Signe le gondron d'une maison. C'est aussi vite que moi. Michel, je suis tombé. C'est tout le temps comme ça. Tu vas en voyage. Tu vas ou tu vas en voyage? Il y a un temps que si tu pars à telle date, tu vas rencontrer telle personne à tel endroit. Oh, oui. Si tu pars avant, tu ne rencontres pas. Oui. Fait que quand tu es connecté avec les autres, ils disent bon, on part le 27 ou assis-toi dans tel numéro de l'avion. Ils savent. Il faut que tu es sûr. Bon, mais tant que tu n'es pas connecté, le qui c'est qui va te guider? Alors, tu guides ça. Mais tu penses que tu n'es pas fétulé. C'est ça. Il dit que c'est le principe qu'éventuellement, on sait qu'on est dans le temps, on sent. Il y a des gens qui ne sont pas capables de l'attendre. Ils ne sont pas capables. Il faut que tu. Ce qui arrive, c'est que si tu as de l'argent, peut-être que tu vas encore plus vite. Parce que quand tu as de l'argent, l'ego rentre là-dedans. Là, c'est l'ego qui rentre. Comment dire? Si tu as de l'argent, c'est la facilité. Tu vas faire le mouvement, tu vas faire trop. Chaque cycle qui arrive, c'est que les gens gaspillent leur temps. Gaspillent. Moi, je connais des gens qui avaient des maisons, la semaine dernière, ils achètent des chars, ils achètent quelque chose, ils ne sont jamais satisfaits. Ils achètent des meubles, puis tu fais le temps. Fait qu'au lieu d'accumuler des choses qui vont aller avec leur vibration, puis mettre leur argent dans d'autres choses, toujours créativement, c'est toujours recommencer. C'est une perte d'énergie. Quand tu achètes un meuble, une maison, que ce soit final, ça dure 50 ans. Sans ça, t'as pas de limite. Les gens travaillent, tu travailles à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. T'as le temps en masse, tu travailles de vie de la maison. Tu calcules le salaire qu'un enfant depuis 20 ans jusqu'à 60 ans, c'est une petite fortune. Puis arrive à 60 ans, il doit être pris sur l'assurance chômage ou sur le gouvernement, il n'y a plus une cent. Parce que les gens ne savent pas manipuler de l'argent. C'est très dur à manipuler de l'argent. C'est très dur. Ça coule comme du sable entre les doigts. Ils se servent de ça pour toujours rendre la situation difficile. C'est ça que la conscience, c'est pas ça.